Guillermo Guise, tiens. Vol d'un vol. Un vol, enfin encore. Une escroquerie. Ça va les amigos? Oui, ça va. C'est toujours bizarre l'émission sans Nagui, non? Pourquoi? C'est ce qu'on dit, un seul être vous manque, et ça fait plaisir, non? Ça fait pas plaisir. La vérité. On salue Nagui, il est en vacances au Luxembourg. T'en peux plus de Bora Bora, tu vois, t'as envie de revenir aux choses simples, un plein d'essence, une cartouche de cigarette, tu vois, un retrait à la banque. Enfin bref, je dis ça parce que j'ai lu un article qui pourrait changer nos vies, quoi. Quoi, le dossier sur le God aspirateur dans Dorcel Magazine? Pas du tout, Morgane, pas du tout. Et je vais te demander d'arrêter de m'envoyer des liens à tout va. Pense à ton empreinte carbone. Plus les jouets plaisir, il y en a en matière organique, suffit d'être un poil créatif chez Rungis. Alors quand c'est pour se lever tôt, il y a personne. Non, l'article qui va changer nos vies. C'est dans un journal belge, c'était intitulé « Ces avant-gardistes qui télétravaillent déjà dans le métavers ». Alors métavers, je vais devoir expliquer parce que je crois qu'on a des auditeurs qui se remettent à peine de l'arrivée du rock. J'ai vu les dernières moyennes, ils ont entendu télétravail, métavers, ils ont tapé sur leur transistor. Ça y est Yvonne, c'est le bug de l'an 2000. Bon, en vrai, c'est pas qu'une question d'âge, moi je me moque, mais ça faisait des mois que j'entendais parler de NFT et ça, ouais. C'était du chinois. Vraiment, tu vois, les gens me faisaient, c'est fou ces histoires de NFT. J'étais là, ouais, mais après, bon, la gonorrhée, ça se soigne bien, tu vois. C'est que j'ai lu, demande à Alex Comier. NFT, il y a des mots comme ça, tu les entends, tu sais jamais ce que ça veut. Moi j'ai ça avec Koto. Coteau, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire coteau. Je sais pas si on dit pour un coteau, tu vois, dans un coteau, avec un coteau. C'est comme prosélyte. Prosélyte, pendant 35 ans, j'ai cru que c'était être pour les élites, mais avec une liaison chelou, tu vois. C'est vrai. En fait, les NFT, c'est l'espèce de certificat numérique infalsifiable qui prouve que tu es propriétaire d'une œuvre ou d'un objet généralement créé dans le monde virtuel. C'est juste ça, quoi. La vérité, je crois que je comprends encore mieux coteau. Franchement, passe-moi le coteau à pain. C'est facile à comprendre. On attendait cette blague. Elle est venue. C'est comme ça. On ne se montre pas déçu. On éprouve de la compassion pour l'homme que les Français sont en train de juger. Mais le métavers, ça j'ai compris. Le métavers, c'est un univers virtuel, une sorte de croisement entre un jeu vidéo et les réseaux sociaux où tu fais évoluer ton avatar avec d'autres avatars et tu peux choisir sa dégaine, son style vestimentaire, même son odeur. Et je fais une parenthèse. C'est pas un truc de fou, ça, Daniel? On peut choisir son odeur. Ça va être un de ces game changers pour vous, franchement. Il n'y aura plus ce côté une bise. Ah non, merci Daniel, vraiment. Dans le métavers, vous pourrez interagir avec autrui. Ça m'émeut. Et dans l'article, on y parlait, ils expliquaient qu'il y a déjà pas mal de gens qui bossent en télétravail dans le métavers, genre avec des outils de réalité virtuelle. Ils se téléportent dans un décor un peu stylé, tu vois, genre la montagne et la forêt, etc. Et ils bossent de là, quoi. Les amigos, viens, on ferait pas cette émission dans le métavers, franchement. À Ibiza, comme Jean-Mi Blanquer, tu vois, avec un coucher de soleil et tout. Déjà, ce serait moins polluant. Jean-Louis Blanquer En vrai, ce serait moins polluant. Jean-Luc Blanquer. Jean-Michel. Ah oui. Moi, chaque semaine, je viens de Bruxelles en humeur, tu vois, et je remercie France Inter de mettre ce véhicule à ma disposition et tout. Mais quand même, ça roule au kérosène, quoi. Soi-disant, ça fait des économies d'échelle avec le jet de Laurence Bloch. Moi, je dis, Laurence, elle pourrait faire le trajet de Neuilly, maison de la radio, en moto-taxi, tu vois. Vraiment, elle se concentre mieux en avion. Qui suis-je pour juger? Mais dans le métavers, on pourrait avoir de nouveau avoir un public, quoi. Putain, ça fait 2 ans qu'on a des blagues sans public, qu'on essaie de faire rire les 4 mêmes personnes. Mais on sent qu'elle est au bout de sa vie, elle se force. Quand je fais les chroniques, ça se voit dans ses yeux. Elle préférait jouer au serpent, c'est sûr. Ou ne fût-ce que faire un shifumi, ou promener un yinche. Ça se voit, quoi. Dans le métavers avec nos cases vidéo, on pourrait mettre 300 personnes dans le studio, on se toucherait pas, du coup, pas de risque de Covid, de NFT. Franchement, c'est vrai, on n'aurait plus les papotes à la machine à café, mais de toute façon, c'est que pour dire du mal. La bande originale, c'est le PSG, ça se tire dans les pattes, il y a des clans, les drogués, les alcooliques, les humains, Tanguy. C'est que des clans. En plus, dans le métavers, on pourrait choisir nos avatars. Moi, c'est sûr, je prendrais un avatar qui ressemble à Guillaume Meurice et je dirais des trucs genre vive les dividendes. C'est encore les prémices là des univers virtuels, mais c'est clairement le futur d'internet. Comme moi je dis, tant qu'à être 17 heures par jour sur les réseaux sociaux, autant que ce soit la full expérience, surtout si je peux rester à Bruxelles. Et bonne émission. Bravo.